Chiquiti, chiquita, chiquiti, chiquita, chiquiti, chiquita, chiquiti, chiquita, chiquiti, chiquiti, chiquiti, chiquita, chiquiti, chiquita, chiquiti, chiquita, chiquiti, chiquita, chiquiti, chiquita. Mais qui est Chiquiti, Chica? On m'a dit que toutes les filles en sont folles. Elles aiment Chiquiti, Chica. C'est leur roi, c'est leur bon Dieu, c'est leur idole. Elles rêvent de Chiquiti, Chica. Elles en perdent même l'usage de la parole. Mais qui est Chiquiti, Chica? On en parle tant mais jamais on ne le voit. Chiquiti, Chiquiti, Chiquiti, Chiquiti. Mais qui est Chiquiti, Chica? Est-ce un français ou un chinois de Formose? Ou bien ce Chiquiti, Chica? Est-ce un nègre à coque ou bien un flamand rose? On dit même Chiquiti, Chica. Ce serait le patron d'une maison close. Mais qui est Chiquiti, Chica? Chiquiti, Chica. On dit qu'il ressemble à Rudolph Valentino. Mais alors Chiquiti, Chica, ce n'est pas le directeur de la radio. Ne serait-ce pas Chiquiti, Chica, qui a gagné le dernier Milan San Remo? Mais qui est Chiquiti, Chica? On en parle tant mais jamais on ne le voit. Fait-il de la pop musique? On parle de Chiquiti, Chica. Est-ce un boxeur ou un roi de la pédale? Car enfin Chiquiti, Chica. Est-ce un mythe, une invention, une cabale? Mais qui est Chiquiti, Chica? On en parle tant mais jamais on ne le voit. Chiquiti, Chiquiti, Chiquiti, Chiquiti. Mais qui est Chiquiti, Chica? Est-ce un nouveau produit révolutionnaire? Pourvu que Chiquiti, Chica ne soit pas le nom d'un impôt supplémentaire. Mais qui est Chiquiti, Chica? Est-il beau, jeune et multimillionnaire? À la fin, Chiquiti, Chica, j'aimerais...